Je reviendrai un jour chez moi. Je reviendrai plus près de toi. Je reviendrai un jour chez moi pour te serrer fort dans mes bras. Je reviendrai près de ton cœur pour détailler mon bonheur. Loin de tes yeux, je suis malheureux. Je veux revoir nos rêves à deux. Je veux revoir, revoir tes yeux. Je veux revoir ton ciel tout bleu. Je reviendrai bientôt chez moi pour te serrer fort dans mes bras. Et puisque ton cœur, loin du mien, est malheureux, il faudra bien, oh oui, nous revoir. Yeah. Nous revoir. Oh, oh yeah. Même aussi, oui, je le sais. Depuis, je n'ai plus qu'une, oh oui, à revenir, revenir. Je reviendrai un jour chez moi. Je reviendrai plus près de toi. Je reviendrai bientôt chez moi pour te serrer fort dans mes bras.